commencer, je me présente, moi c'est Yant. Oh, je fais du son pour mes gava, pas pour vos soirées dansantes. Paraît-il que je viens de Béris, plus précisément dans le sang. Je ne t'épargnerai ap, même si tu dis qu'on est ensemble. Touche bien ça qui est sévère, c'est vrai, tu t'es dit bon sang. Ça fait des années que ces mecs font du bon son. Chaque morceau qu'on F, la prod est laissée en sang. Fais pas la meuf alors que t'es roulé comme une feuille de papier qu'on sent. On sent peur, ta life te dit que je peux pas de sa gueule. Chiffre dans ta gueule, même avec le pied dans sa queue. C'est pas un arracheur qui l'ait pris la main dans sa queue. Même si qui donne leur secret, y'en a un paquet. Ça qui est au centre de Paris, puis tout petit, je mets des tarifs. Je maîtrise la technique interdite, on stocke nos flots dans des paris. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux annuler les paris. Je vais te get up, tu vas perdre des bûches du Gary. Si je te disais, c'est que le début arrive. Que je gratte mes textes à Mike Braque sur ma. De temps en temps, Harry Wissel. 9ème zone, Transinor, clic clic. Si je te disais, c'est que le début arrive. Que je gratte mes textes à Mike Braque sur ma. De temps en temps, Harry Wissel. 9ème zone, Transinor, clic clic. XX Belgique, Yann Slow. XX Belgique, Yann Slow. XX Belgique, Yann Slow. X-Gangs Belgique, Yann Slow. Que faire fracas par la police tout en gardant tes cracas. Trop de gens qui écras. Y'en a qui pètent les plombs et finissent en carte plat. Génération F, c'est des petits qui comprennent la mentalité colossée. Quand tu leur parles d'aller bosser, ils te disent shit, j'suis mon shit. Oh shit, j'en ai assez de ce monde insensé. Gros ça dans la main droite, la gauche me sert à pointer du doigt tous les caïras balance qui veulent niquer mon terre-terre sur cette terre. Et même c'est ma banque encore blindé les poches de dollars, mais m'a donné un esprit de bâtard. Pour des fils et les darons j'tard. J'vous baisse, bien qu'en hoche d'art. Il n'est jamais trop tard de me sucer. La biche en dark, casse des dix. Au vrai plein d'art, mentalité, carnage qui t'a. I wanna check it, check it, everybody. Si j'te disais, c'est que le début arrive. Qu'est-ce t'en penses? Que j'gratte mes textes à Mike Braque sur ma. De temps en temps, Harry Wissel. 9ème zone, Transinor, clic clic. Si j'te disais, c'est que le début arrive. Qu'est-ce t'en penses? Que j'gratte mes textes à Mike Braque sur ma. De temps en temps, Harry Wissel. 9ème zone, Transinor, clic clic. Je vais vous rouler, vous fumer, vous réduire en cendres. J'ai côtoyé la fille du maire, mais je ne suis pas son genre. Des flots, des faces, des mélodies, poteau, y'a quoi en vendre. Le but de l'objectif n'est que de vous surprendre. Nous c'est Marilyn Monster, ne surtout pas confondre. On sort des fonds marins pour une fois que ce n'est pas de l'ombre. Je vends des CD et avoir plein de diamants sur ma montre. Le game me donne la chasse, j'ai qu'une envie c'est de vous pondre. Voilà à Villepin, j'espère que tu puisses la fondre. Petit représente la tête, surtout ne nous fais pas honte. Tu fais grave le besoin, part de toi, par contre rends-tu compte. Prends pas la grosse tête, sinon en deux secondes on te montre. Laisse passer Drancinor, sinon pas la sortie en rentre. Les rebeux sont pas sympas, il t'en faudra peu pour qu'ils t'évendent. J'ai fusionné avec elle, soit de Paris. Comme un mec qui te regarde rouler, poteau tu me dis qu'on sent. Si je te disais c'est que le début arrive. Qu'est-ce t'en penses? Que je gratte mes textes à Mike Braque sur ma. De temps en temps, Harry Wissel. 9ème zone, Transinor, clic clic. Si je te disais c'est que le début arrive. Qu'est-ce t'en penses? Que je gratte mes textes à Mike Braque sur ma. De temps en temps, Harry Wissel. 9ème zone, Transinor, clic clic. Jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy jiggy j